chose certaine, que l'on t'aime, que l'on t'aime, que l'on t'aime autant que toi-même. Oh non, non, non, non, non, non. Si l'amour t'invite, ma petite, t'invite, ne réponds pas tout de suite. Oh non, non, non, non, non, non. L'amour n'est pas toujours ce que l'on pense. Quand on a le cœur plein d'impatience, on sait très bien quand ça commence. Mais on oublie comment ça peut finir. Marina, Marina petite, écoute la voix de ton cœur. Mais ne va pas trop vite. Trop vite, trop vite, et feuillez la marguerite. Oh non, non, non, non, non, non. Sois tendre et coquette, coquette, coquette, mais ne perds jamais la tête. Oh non, non, non, non, non, non. Marina.